Benzema, Benzema, oh. A Pogba, Pogba, boom. Ah mes frères, Juna Family. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans BDT. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, parce que t'es passager dans le merco. 19h, avec Fred et DJ Kay sur Skyrock.

se prend pour Rihanna. Elle ressemble à Biona. Venga, venga, mi ama. Pina colada, chicha, man, si, señor. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or.

Gucci. الأرض البعيدة وأنا بوحدي تعرف وأنا بوحدي ضعف ربي نسيتي كلامك نسيتي وعودك أنا ليك كنشوفك في خيالي وأنا في طريقي غادي صرتك قدامي حمقتيني بيبي قلبي طاح في هواك وأنا عايم فيه ديه نغني باش نخرج ندي ما بغيت وما همني انا عييت ولا صبرك فهمني خاصني فلوس خاصني حاجة عندي باش نبات انا عندي انا عييت ولا صبرك فهمني راني بين عشراني ولا حاجة تغلبنا وإلا كنتي ديما حاضر ديري ديك معانا خلي راسك عامر بارطاجي وعلمنا recuerdos que llevo por dentro. Abrí de nuevo ese baúl de recuerdos. Rai Supreme. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Passe de bonnes vacances. Que llevo por dentro. Abrí de nuevo este baúl de recuerdos que llevo por dentro y que me lleva a ti. Sky Ride Rock. Tú ni le bledi, tú eres de bebé. Do do do.

نبغيك عايشة ونموت عليك هادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت ان عايش معك غير انتي عايشة عايشة ايكوتي موا عايشة عايشة انا نبغيك اوه عايشة عايشة طابا عايشة عايشة ونموت عليك عايشة عايشة غيب وما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Rail Suprême. Minuit, 2h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Ma plus belle chemise, oui. Milliers d'euros en billets 10, oui. Des bouteilles de mousseau d'attise, ah. Des garçons debout que c'est triste. Oh, j'ai sorti ma plus belle chemise, ah. Milliers d'euros en billets 10, oui. Des bouteilles de mousseau d'attise, oui. Des garçons debout que c'est triste. Oh, je rentre dans le club, Balenciaga sur les yeux. Liasse de billets, tu vois très bien qu'on est fait. Tu sens gros de la fameuse des bouteilles, mes gavas sont sapés, les videurs de la house sont les frais. Viens boire un verre à ma table, boire un verre à ma table, viens boire un verre à ma table. Nouveauté Skyrock. Grosse bouteille et notre table. Grosse bouteille et notre table. Ah, on boit plus dans vos dames. Grosse bouteille et notre table. On boit plus dans vos dames. J'ai dit grosse bouteille et notre table. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. On boit des litres, des litres. Avant de descendre une bouteille, j'ai le sang chaud, je vais sur la piste, je danse. Tout ça que ça a l'air claqué, c'est la galère. Mais ce soir je rentre avec Miss France. Je les invite toutes à boire des verres. Genre j'ai qu'une fille là sur la mer. Elles avalent les mensonges, rien à faire. Elles sont à l'affût du billet vert. Mais bon je sais que je vais finir tout seul. Avec mes gars comme des losers. Location gros Range Rover. Côté passager, c'est game over. Mais bon les feux on m'enchaîne. Digérer la tease et le mafé. On a trop fait, on a décompré. On soulève nos bouteilles comme des trophées. Grosse bouteille à notre table. Grosse bouteille à notre table. Grosse bouteille à notre table. Grosse bouteille à notre table. Ah, on boit plus d'eau potable. Grosse bouteille à notre table. On boit plus d'eau potable. J'ai dit grosse bouteille à notre table. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. On boit des litres, des litres, non, des litres, des litres au boulot, des litres, des litres, des litres. Il s'embrouille avec le videur. Il me suit comme sur Twitter. Ma montre n'indique plus l'heure. Les clubbers n'ont plus pudeur. La teuf à DJ Benz sur un son qui te coule la tête. Et dans la mienne c'est la guerre. Quand je vois cette femme qui m'appelle, je pense à la gueule que je vais avoir au réveil. Je pense à la tête que je vais avoir le mal. Me rappelle à peine de la veille. Mais ce soir je me remets bien. Y'a des grosses bouteilles à notre table. Grosse bouteille à notre table. Grosse bouteille à notre table. Grosse bouteille à notre table. Ah, on boit plus d'eau potable. Grosse bouteille à notre table. On boit plus d'eau potable. J'ai dit grosse bouteille à notre table. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. Envoie les bouteilles envoilées. On boit des litres, des litres, des litres, des litres au boulot, des litres. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Amina me fait perdre mes moyens.

sont déchaînés. Tout ça en place sur le corner. Roger, Mila, place comme Roger, Mila. Roger, Mila, place comme Roger, Mila. Tout est OP. Un con qui me cherche, dealer chaud au quartier. Les types sont déchaînés. Tout ça en place sur le corner. Roger, Mila, place comme Roger, Mila. Roger, Mila, place comme Roger, Mila. Tout est OP. Un con qui me cherche. Sur le quartier, les types sont déchaînés. Fais ça en place sur le corner. Roger, Mila, viens comme Roger, Mila. Roger, Mila, viens comme Roger, Mila. Minuit, 2h, Rail Suprême. Minuit, 2h, DJ Kaste, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock, passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Faites la musique avant l'heure dans Rail Suprême sur Skyrock. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. guilhotina pra nossas caras. Manda subir, nós somos caros. Manda descer, nós somos caros. Aqui a cena é suculentar. A minha dica tá buscura. Olha que o sumo, estou a tomar. Olha que o sumo, faz o sumo, tu pela me coloca. Não tá dando toque, mas o fico com o melhor. Parou, ficou, o teu que me mudou. Bela, bela, bela, bela, já levo. Estou jogando de pego na chica.

battue. T'as un Fiat 500, t'es oppressante. Quand t'es de profil, on dirait qu'un bas chien. Que des billets de 500, souriant dans le sang, je te trouve attachant. T'as un Fiat 500, t'es oppressante. Quand t'es de profil, on dirait qu'un bas chien. Que des billets de 500, souriant dans le sang, je te trouve un peu chiant. Et moi j'ai pire, et moi j'ai pire, et moi j'ai pire, et moi j'ai pire. Je veux m'empire, gonflez-moi l'IA, posé dans l'IA, oh maman mia. Et moi j'ai pire, et moi j'ai pire, et moi j'ai pire, et moi j'ai pire. Je veux m'empire, gonflez-moi l'IA, posé dans l'IA, oh maman mia. Chomp. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Rail suprême. Minuit, 2h. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Je fais tout, jamais je dirai je laisse tout. Oh le coin il fait mes tests. chez ses morts. J'lève ma main à des traites, leur ouais, dis salaud. J'en fais mettre mes enfants. Ça fait deux ans que je nique les games. Toi, je me demandais comment je m'appelle. Je vous demande une chose, laissez Jojo Joule tranquille, car tout va mal dans sa tête. J'en mets un cours d'idée, ouais, j'en mets à sec. J'vois la ligne coucher quand j'capte sur la A7. J'sais que les jaloux m'écoutent en cachette. Et au bête, ça m'écoute même en cassette. Ouais, salaud. Sont pleins de manie. J'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. De chauffe-pans, s'en fout à madame. Les contraires s'attirent. Pas d'amis, que des frères. Pas de pute, que des hommes. Sur la chair de ma chair, j'vous encule, j'en rigole. AMG, en BG, j'ai la folle, j'ai l'alcool. À Marseille, tu commences, tu guettes, puis tu fais rentrer des tonnes. En train de cramer, j'embrasse tous mes vaillants qui sont en tôle. Y'a la vie, y'a la mort, y'a des gens bien, y'a du soul. Caillasse les forces de l'eau. Ils sont pleins de manie. J'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. De chauffe-pans, s'en fout à madame. Les contraires s'attirent. En une Honda, fais le comme d'hab. Rapta dans la porte, on a fini comme d'hab. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. J'me la fais comme d'hab. J'fume le mic. Sur bête de faute, je fais jamais le mic. Quand j'sors les petits, reviennent de la gratte. Partage les sous. Comme d'hab, y'a des faux sur le terrain. Rien dans mon monde, sur ma vie, c'est pas tes rêves. C'est pas terrible, trop pour les mérines. Plein de farine, au guidon du R. J'suis à fond ma vie, mais j'me cache pour pleurer. J'endors plus la nuit, trop mon écœuré. Comme d'hab, quelque chose à dire. Dis-le, il te reste un stigro. Fais-le devant ma team au galop. Trop, tu vas te prendre des calottes. Le RR 1000 lève-le. Il parle mal, fils de crève-le. Fais-le, comme d'hab, quelque chose à dire. Dis-le, il te reste estigo. Fais-le devant ma team au galop. Salope, salope. Tu vas trop, tu vas te prendre une calotte. Le RR 1000 lève-le. Il parle mal, fils de crève-le. Fais-le. Oh, ils sont pleins de manie. J'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. Tu chauffes quand s'en fout à madame. Les contraires s'attirent. En une Honda. Magic System, mon copé, arrivé. C'est le son du tiers, on écoute, on est entre nous. De Ritri à Abidjan, on compte sur vous. 113, c'est lui et moi, et ce son, c'est fait pour vous.

j'étais traumatisé. Faut que je la pète donc je vais pas trop teaser. J'y vais, je me calme, je vais pas trottiner. J'fais genre attitude mais à deux doigts de queener. J'fais le tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes seront censurées. Messieurs, calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Ça fait si élégant girl pour elle c'est normal. Son charme fait de nous des sommes à ouvrir. Pas de satin, elle sait comment mener les sœurs. Pour elle c'est normal. Cette femme, elle vaut des mille et des cents. Cette go me rend fou. Pa pa pa la. T'as vu le boule qu'elle a. Pa pa pa la. Pa pa pa la. Cette go me rend fou. Elle twerk, elle pas besoin. Juste elle marche, j'en fais bête en joint. Envie de mon père, c'est une bête de chouin. Envie de faire du sale, envie de gâter le coin. Bellissima, ton visage est si dolce. Je m'approche un peu, histoire de négocier. Un, deux, trois verres, histoire de m'échauffer. Un, deux, trois sourires, histoire de la choper. Elle fait mal, sexy, élégant, cœur pour elle, c'est normal. Ce charme fait de nous des sommes. Cette go me rend fou. Elle a bougé. Pa pa pa la. Oui. T'as vu le boule qu'elle a. Tout le monde, tout le monde. Pa pa pa la. Oui. Cette go me rend fou. Tout le monde, tout le monde. Pa pa pa. C'est la merde jusqu'à Skyrock. T'as vu le boule qu'elle a. Pa pa pa la. C'est le feu sur Skyrock. Yeah. Une bombe si t'es pas prêt. C'est le genre de femme qu'on évite. Son corps on dit de moi. Je suis Zéba. Je suis Zéba. Ces jambes sont si longues que j'en perds ma voix. Ma belle attend que j'atterrisse. Je ferai ce qu'il faudra pour être son homme, son number one. Cette go me rend fou. Pa pa pa la. T'as vu le boule qu'elle a. Pa pa pa la. Ah oui, ah oui, ah oui. Cette go me rend fou. Skyrock, rock, rock. Hey, Babadi, Babadi. Hey.